Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yekulullahu Teala Bismillahirrahmanirrahim. Veylun lil mutaffifin. Ellezine izektalu alen nasi yestavfun. Ve iza kaluhum ev vezenuhum yuhsirun. Ala yazunnu ulaike ennehum mab'uthun liyevmin azim. Yevme yekulun nasu ya Rabbil alemin. Yekulu Şeyh Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah fit tefsir. ويل كلمة عذاب ووعد يعني ويل يعني الهلاك ويل للمكذبين يعني هلاك للمكذبين للمطففين وفسر الله المطففين بقوله يعني من هم المطففون الذين إذا اكتالوا على الناس يعني إذا أخذوا منهم وفاء عما ثبت لهم قبلهم يستوفونه كاملا من غير نقص يعني إذا كان إذا ثبت لهم حق على عباد الله يستوفونه كاملا بل يطلبون الزيادة وإذا كالوهم يعني إذا كالوا الناس هم إذا كالوا الناس أو وزنوهم أو وزنوا لهم يعني الكيل والوزن هذا في يعني البضائع والسلعة أي إذا أعطوا الناس حقهم الذي للناس عليهم بكيل أو وزن يخسرون يعني ينقصون في الكيل أو في الميزان يعني إذا وزن لهم أو كيل لهم يطلبون من الوازن أو الكائل أن يستوفي لكن إذا كالوا هم أو وزنوا لغيرهم يعني ينقصون يغشون في الميزان أو في الكيل أي ينقصونهم ذلك إما بمكيال وميزان ناقصين يعني الميزان أنت تحسبه ميزان تام لكنه ناقص أو بعدم ملء المكيال والميزان يعني هذا كثير مثلا في الجزار أنت تقول مثلا أنا أبغى نصف كيلو لحم بقر مثلا ويعطيك 480 لكن يحسب 500 جرام يعني هذا كثير أو يزيد في الثمن يعني يزيد في الوزن يقول لك مثلا يزيد مثلا 550 جرام يقول لك معليش وأنت طبعا تستحي تقول معليش لكن إذا فعل بواحد واثنين وثلاثة يعني في آخر النهار كم يربح على الناس المهم أو نحو ذلك فهذا سرقة لأموال الناس وعدم إنصاف لهم منهم وإذا كان هذا الوعيد على الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان فالذي يأخذ أموالهم قهرا أو سرقة أولى بهذا الوعيد من المطففين يعني هذا الوعيد للمطففين الذين ينقصون الناس في الميزان أو في الكيل فإذا كان هذا في المطففين فما بالك بمن يأخذ أموال الناس قهرا يعني صراحة هكذا قهرا دوك لي فيرسي ديز مالور aux mutaffifin, c'est-à-dire ceux qui font perdre les gens dans la mesure. Et le deuxième verset dit « Ceux qui, quand on mesure pour eux, ils demandent la pleine mesure, et quand eux mesurent ou pèsent, ils diminuent. » En fait, le verset veut dire « Wail, wail, c'est le malheur, c'est un châtiment qui est promis. » À qui ?« Al mutaffifun. » Il a expliqué dans le verset qui sont « Al mutaffifun. » Il a dit, ceux qui, quand on mesure pour eux, ils demandent la pleine mesure. C'est-à-dire, quand ils sont au magasin, ils disent à la personne, je veux telle mesure. Parce qu'avant, les gens, ils avaient soit le poids, comme les grammes ou les kilos, ou ils avaient les mesures. Les mesures, c'est-à-dire, c'est par exemple en centimètres cubes, et tu remplis. Ça ne bouge pas, c'est une mesure. Avant, ils utilisaient ça, comme le moud ou ça, etc. Donc, quand ils demandent une mesure, par exemple de date, ou de raisin sec, ou quoi que ce soit, eux, ils veulent qu'on leur donne la mesure exacte, ils exigent. Donc ils sont exigeants avec les autres quand c'est pour eux. Et le verset d'après, il dit, et quand c'est eux qui mesurent pour les gens, ou qui pèsent, yursirun, ils leur font perdre. C'est-à-dire que, quand c'est eux maintenant, qui sont dans la place de celui qui pèse ou qui prend la mesure, ils vont tricher, ils vont tromper, ils vont faire perdre la personne. Soit, ils vont tromper dans le poids, ou la mesure lui-même, il va être tronqué. Par exemple, la mesure, elle est plus petite qu'elle doit être. Ou alors la balance, elle est truquée. Ou alors, parce qu'il ne remplit pas. Tu dis par exemple, mets-moi 500 grammes. Lui, il te met 480, mais il te fait payer comme si il t'avait mis 500 grammes. Donc il t'a arnaqué combien? 20 grammes. Donc c'est ça, c'est un mutaffif. Donc mutaffifoun, c'est ça. Quand ils réclament aux autres, ils veulent qu'on leur donne pleinement, ils sont exigeants. Mais quand c'est eux, ils font perdre les gens. Et le shir, il dit, si ça c'est vrai dans ceux qui font ça, donc ça c'est un peu subtil. Alors qu'en est-il de ceux qui prennent l'argent des gens clairement, qui volent par exemple? Parce que ça c'est du vol en fait, c'est prendre l'argent des gens sans droit. Mais alors si ça c'est vrai pour eux, qu'en est-il de celui qui prend l'argent des gens en les dominant? Il vient, il leur vole comme ça, ou il les rackette, etc., etc. Et ça, le châtiment, la promesse, elle est encore pire, parce qu'ils le font directement. يقول الشيخ هنا ودلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب عليه أن يعطيهم كل ما له من الأموال والمعاملات. يعني هذه الآية ليس فقط في الكيل والميزان، هذه الآية التي قالتها الله سبحانه وتعالى التي قالها الله سبحانه وتعالى إنما هي مثال وقس عليها كل الأمور، يعني البيوع والمعاملات حتى الحقوق بين الزوج والزوجة. يعني لابد أن تطلب من الناس أن يراعوا حقك، لكن هل أنت راعيت حقوق الخلق وحقوق العبيد؟ بل يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات، فإنه كما أن المتناغرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص على ما له من الحجج، يعني المتجادلين، فيجب عليه أيضا أن يبين ما لخصمه من الحجج التي لا يعلمها، وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو. يعني يقول الشهادة صحيح حتى في الجدال، يعني إذا كنت في مجادلة مع إنسان أنت انصف معه، يعني أنت تحب أن تلقي أدلتك، ولكن انظر أنت إلى أدلته هو. هذا حتى في يدخل حتى في الجدال. وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه وتواضعه من كبره وعقله من سفهه، نسأل الله التوفيق لكل خير. Donc le cheikh dit, ce verset il montre que comme la personne elle aime prendre son droit sur les gens, il faut aussi qu'elle donne son droit, leur droit aux autres. Et ça rentre dans toutes les relations sociales et dans l'argent. Donc en fait ce verset qu'Allah Azza wa Jalla a dit, c'est pas juste pour ceux qui font la mesure et le poids. C'est un exemple. Ça veut dire ça il rentre dedans toutes les relations sociales, toutes les relations entre les êtres humains. Et même, par exemple, les droits de l'époux avec son épouse. Combien on voit, par exemple, l'homme, il dit à sa femme, moi je veux que tu respectes ça, je veux que tu respectes ça, je veux que tu respectes ça. Mais lui, c'est le premier des fasiqis. Hein? Il veut que sa femme, elle soit intacte, et lui, c'est le premier des perdus. Donc il ne respecte pas les droits de sa femme, il lui parle mal, etc., etc. Mais lui, quand il rentre du travail, il faut que le tagine il soit chaud, il soit à point, et il faut que le thé et la mousse elle soit encore dessus. Donc c'est un mutaffif, parce qu'il veut que son droit il soit donné à fond, mais lui yavlum, lui il fait du dhulm, il est injuste envers elle, il ne lui donne pas son haq. Soit il est radin par exemple, il ne lui donne pas l'argent, ou soit l'ashira, c'est-à-dire la bonne relation et le bon caractère, ça aussi c'est un droit de la femme, que tu te comportes bien avec elle, tout simplement. Et la personne avec qui tu dois le mieux te comporter, c'est celle avec qui tu es tous les jours. Donc les personnes, ils rentrent du boulot, il est violent, il est méchant, il regarde méchamment et tout, il est tout le temps dehors. Mais par contre, lui, il faut que tout ce que sa femme elle lui doit, il soit là, et il soit intact. Ben ça, c'est un mot tafif. Et Annie, c'est pas que dans le poids et la mesure. Et le cheikh ici, il explique, il dit ça, c'est même dans un débat entre deux personnes. Il dit même dans un débat, eh ben les deux personnes qui débattent, comme il aime qu'on écoute ses arguments, eh ben lui aussi, il faut qu'il écoute et qu'il observe l'argument de la personne qui est devant lui. C'est pas juste, il dit ses arguments et il veut convaincre et il veut qu'on l'écoute, mais l'autre, quand il dit ses arguments, il fait semblant de pas les entendre. Ça aussi, c'est un mutaffif, parce qu'il veut convaincre l'autre, mais il n'est pas prêt à écouter. Donc ça aussi, c'est tatrif. Yani, en fait, ce qu'il veut dire le cheikh par ici, pourquoi il a donné l'exemple du débat, wallahu a'lam, parce que l'exemple du débat, ça n'a vraiment rien à voir avec la mesure et le poids. C'est pour vous montrer que ça, c'est le verset, c'est qu'un exemple. Et que ça s'applique à beaucoup deux choses. ثم توعد تعالى المطففين وتعجب من حالهم وإقامتهم على ما هم عليه فقال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فالذي جرأهم على التطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخر يعني ما الذي جرهم على هذا الخلق هذا التطفيف هذا الغش هو أنهم لا يعتقدون مجيء اليوم الآخر وإلا فلو آمنوا به وعرفوا أنهم يقومون بين يدي الله يحاسبهم على القليل والكثير لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه أن الذي يؤمن بأنه سوف يحشر سوف يعني يحاسب على القليل والكثير لا يمكن أن يتعامل هذه المعاملة لا يمكن أن يخدع الناس ويغشهم أبدا لأنه يعرف أنه سوف يحاسب لكن العجب من أناس يؤمنون باليوم الآخر ولكن يعاملون الناس بالظلم والغش والتطفيف هذا هو العجيب يعني المفروض أن المسلم يعني يتصف بأحسن الأخلاق وبالعدل والإنصاف بل والإحسان لكن مع ذلك كم تجد من الناس يؤمنون بالله واليوم الآخر وكأنهم يعني لم يسمعوا عن الله ولا عن اليوم الآخر في تعاملهم وأخلاقهم. Donc le cheikh dit ensuite Allah dans les versets d'après, il a promis, il a menacé ces gens-là. Et il a dit, ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités pour un grand jour, le jour où les gens se lèveront devant le Seigneur des mondes, devant Rabbul Alamin. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui les a poussés à se comporter comme ça, à tromper les gens, à être injustes envers eux? C'est parce qu'ils ne croient pas au jour du jugement. S'ils avaient cru qu'ils vont être ressuscités devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il va leur demander des comptes sur les petites choses et sur les grandes choses, ils n'auraient pas pu se comporter comme ça. Parce que c'est normalement la foi au jour du jugement, et quand tu sais que toutes tes actions en détail elles vont être comptées contre toi, donc tu ne vas plus tromper les gens. Parce que même pour un gramme de semoule ou 20 grammes de viande, etc., tu sais que ça va être compté contre toi au jour du jugement. Et donc tu ne vas pas le faire. Mais ce qui est étonnant, c'est les gens qui croient en Allah et au jour dernier, et pourtant ils le font. Ça, c'est ce qu'on voit maintenant le plus, malheureusement. Les gens, ils croient en Allah, ils sont musulmans, ils croient au jour du jugement, mais ils se comportent avec les gens comme si demain, il ne sera jamais ressuscité. Comme si quand il va mourir, il va devenir de la poussière et qu'il n'y aura jamais de compte à rendre. Et il dit, Allah Ghafur Rahim. Naam, Allah Ghafur Rahim. C'est vrai, mais ça, c'est surtout entre toi et Allah. Allah il pardonne facilement les péchés qui sont entre toi et lui. Par contre, les péchés qui sont entre toi et les gens, ça, il n'y a pas de miséricorde là-dedans. Parce que absolument Allah va rendre des comptes, c'est-à-dire il va compenser les injustices au jour du jugement. Même si tu t'es repenti devant Allah, certes, mais la personne, tu vas devoir racheter ton injustice. Soit tu vas lui donner des hasanettes, ou soit tu vas prendre de ses péchés. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et pour vous montrer l'importance de le mu'amala, le fait de traiter les gens avec équité et avec un bon comportement, sans les tromper. Ça fait partie des choses les plus graves dans l'islam. ثم قال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون يعني اسمعوا تفسير الشيخ هو مفيد جدا يقول تعالى كلا إن كتاب الفجار يعني ما معنى كلا هنا كلا لها عدة يعني معاني في القرآن هنا بمعنى الوعد يعني أو الإنذار كلا أو بمعنى حقا يعني حقا إن كتاب الفجار لفي سجين هذا معنى كلا هنا وهذا شامل لكل فاجر من أنواع الكفرة والمنافقين والفاسقين لفي سجين ثم فسر ذلك بقوله وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم أي كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة والسجين. يعني انظروا وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. لكن كتاب مرقوم هذا ليس جوابا لي وما أدراك ما سجين. يعني كلمة كتاب مرقوم هذا راجع إلى ماذا؟ إن كتاب الفجار لفي سجين. ثم يقول تعالى وما أدراك ما سجين. يعني لماذا هل هذا السؤال؟ هذا ليس بسؤال، هذا تعظيم لأمر السجين. ثم يعود يقول كتاب مرقوم، يعني كتاب الفجار، يعني هو الكتاب الذي فيه يعني أعمالهم مسجلة، أعمالهم الخبيثة. والسجين المحل الضيق الضنك، يعني هو من السجن وهو الضيق. سجين بمعنى ضيق. وسجين ضد عليين الذي هو محل كتاب الأبرار كما سيأتي. وقد قيل إن سجين هو أسفل الأرض السابعة مأوى الفجار ومستقرهم في معاديه. يعني يقال إن سجين في الأرض السابعة، يعني تحت أقدامنا حقا، يعني هنا نحن على الأرض الأولى وتحتها الثانية وتحتها الثالثة إلى السابعة، وسجين هو مقر الكافرين وأرواحهم في سجين، يعني في جهنم تحت الأرض السابعة. والله أعلم يعني الله أعلم بذلك. Donc ensuite il a dit Kalla. Kalla ici c'est-à-dire Haqqan, c'est-à-dire voilà en vérité, entre guillemets. Le livre des pervers est dans Sidjin, Fujjar, c'est-à-dire ceux qui désobéissent, les kuffars et les hypocrites, etc. Leur livre sera dans Sidjin, c'est-à-dire leur livre dans lequel il est inscrit, leurs actions qu'ils ont faites, il est dans Sidjin. Sidjin c'est l'endroit le plus profond, le plus bas qui existe dans la création. Ça vient du mot Sajn. Ou assijn, c'est-à-dire le fait d'être serré. Sijjin, en fait, ça veut dire serré. Parce que comme Allah l'a dit dans un autre endroit du Coran, que les kuffars vont descendre dans un endroit et ils seront serrés les uns aux autres. Alors que les cieux et le paradis, c'est des endroits larges. Et l'enfer, c'est un endroit serré. Sijjin. Donc leur livre dans lequel est enregistré leurs actes, il est dans Sijjin. Et après, Allah Azza wa Jalla, il a dit « Wama adraka ma Sijjin ». C'est-à-dire, et qui te dira ce qu'est Sidjin? Ce genre de phrase, qui te dira ce qu'est Sidjin, c'est pas une question. C'est une question, mais pas dans le sens on veut savoir. Allah Azza wa Jalla, il sait tout. C'est dans le sens, qui te dira ce qu'est Sidjin, dans le sens que c'est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire, beaucoup dans le Coran, on voit Allah, il dit, Wama adraka ma, et qui te dira ce qu'est telle chose ou telle chose. C'est pour montrer l'importance de cette chose-là, que c'est quelque chose de grave ou quelque chose de grand. Et là, il a dit, et qui te dira ce qu'est Sidjin? Et après, il a dit, Kitabun Marqum, un livre qui est scellé. Un livre qui est scellé, ce n'est pas l'explication de Sidjin, c'est l'explication du livre des Fujjar, dans le verset d'avant. En tout cas, ici, il explique que Sidjin, c'est l'endroit où il y a le livre, où sont enregistrés les actes des Kuffar. Et que c'est l'endroit le plus profond, et il a été dit que c'est la septième terre. C'est-à-dire que les terres, elles sont en couche. La première terre, c'est celle sur laquelle on marche. Et ensuite, il y a sept terres qui sont les unes en dessous des autres. Et donc, la terre la plus basse, elle est en vérité au centre de la terre. Et c'est l'endroit le plus serré. Et c'est ça qui s'appelle Sidjin. Et c'est aussi l'endroit où ils iront. C'est-à-dire que c'est aussi l'endroit de l'enfer, où ils iront au jour du jugement. ثم يقول تعالى ويل يوم إذن للمكذبين ثم بين المكذبين بأنهم الذين يكذبون بيوم الدين أي بيوم الجزاء يوم يدين الله فيه الناس بأعمالهم. Ensuite il a dit et malheur ce jour-là aux démentes, à ceux qui démentent, les mukathibin. Et après dans le verset d'après il a dit ceux qui démentent le jour de la rétribution, c'est-à-dire le jour où Allah va rétribuer les gens pour ce qu'ils ont fait. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم يعني على محارم الله يعني متعد من الحلال إلى الحرام. أثيم أي كثير الإثم، فهذا الذي يحمله عدوانه على التكذيب ويحمله عدوانه على التكذيب ويوجب له كبره رد الحق. ولهذا قال تعالى إذا تتلى عليه آياتنا يعني الدلة على الحق على صدق ما جاءت به رسله كذبها وعاندها وقال هذا أساطير الأولين أي من طرهات المتقدمين وأخبار الأمم الغابرين ليس من عند الله تكبرا وعنادا يعني وما يكذب به إلا كل معتد المعتد يعني الطاغي في حدود الله سبحانه وتعالى الذي يطغى ويتعدى من الحلال إلى الوقوع في المحرم أثيم أثيم يعني الذي يكثر منه الذنب والعصيان إذا تتلى عليه آياتنا يعني إذا تليت عليه آيات الله يعني إذا تلي عليه القرآن إذا سمع القرآن قال هذا أساطير الأولين أساطير بمعنى قصص هذا قصص الأولين ليس لها حقيقة Donc ensuite, le verset d'après, il dit « Et nul ne dément le jour du jugement, si ce n'est tout transgresseur pervers, athim, ou pécheur plutôt. Tout transgresseur, pécheur. Transgresseur, c'est-à-dire celui qui transgresse dans les limites d'Allah et qui dépasse le halal pour aller dans le haram. Et athim, c'est-à-dire qui est un grand pécheur, qui fait beaucoup de péchés. Donc c'est ce genre de personne qui ne croit pas au jour du jugement. Parce que tellement il fait des péchés, et tellement il transgresse que cette transgression elle l'amène à être orgueilleux et à rejeter la vérité. C'est pour ça qu'il a dit dans le verset, quand on lui récite nos versets, il dit voilà des histoires d'anciens, voilà les histoires des premiers. Les premiers, c'est-à-dire les anciens. C'est-à-dire quand on lui récite le Coran, ce genre de personne, transgresseur, orgueilleux, il dit ça c'est des histoires d'avant, ça c'est des histoires des anciens. C'est-à-dire c'est des contes de fées, ça n'a pas de réalité. وأما من أنصف وكان مقصوده الحق المبين فإنه لا يكذب بيوم الدين لأن الله قد أقام عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ما يجعله حق اليقين وصار لقلوبهم مثل الشمس للأبصار بخلاف من ران على قلبه كسبه غطته معاصيه فإنه محجوب عن الحق ولهذا جوزي على ذلك بأن حجب عن الله كما حجب قلبه في الدنيا عن آيات الله ثم إنهم لصالوا الجحيم Donc il a dit, par contre, celui qui est honnête avec lui-même et qui veut la vérité, lui, il va croire au jour du jugement. Parce qu'Allah, Azza wa Jal, il a mis beaucoup de preuves et il a descendu beaucoup de preuves sur la véracité du jour du jugement. De fait que, pour leur cœur, ça devient aussi vrai que le soleil pour leurs yeux. Ça devient quelque chose d'évident pour eux. Il dit, mais celui que ses péchés, ils ont rouillé son cœur, ils ont recouvert son cœur, alaykoum salam wa rahmatullah, celui-là, il ne voit plus la vérité, il a un voile. Et au jour du jugement, il va avoir une récompense, entre guillemets, de la même sorte. Comme son cœur ici-bas, il était voilé sur les signes d'Allah, au jour du jugement, il sera voilé, c'est-à-dire il ne pourra pas voir Allah, subhanahu wa ta'ala, comme il est dit dans le verset ici. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ مع هذه العقوبة البليغة صالوا الجحيم ثم يقال لهم توبيخا وتقريعا هذا الذي كنتم به تكذبون فذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب عذاب الجحيم وعذاب التوبيخ واللوم وعذاب الحجاب من رب العالمين يعني ثلاثة أنواع من العذاب يعني إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون بمعنى بينهم وبين الله حجاب هذا عذاب يعني المؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى وهم محجوبون وهذا أشد العذاب ثم يصال الجحيم إذن عذاب الجحيم هذا شيء آخر ثم يقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون يعني هذا توبيخ من الله سبحانه وتعالى وهذا كذلك عذاب عذاب نفسي donc il dit ensuite dans le verset il dit et ensuite ils seront jetés dans l'enfer. Donc Allah ici, Azza wa Jal, il a cité trois sortes de châtiments pour les kuffars. Le premier, il a dit qu'ils seront voilés d'Allah. C'est-à-dire ils ne pourront pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un châtiment. Parce qu'ils verront que les croyants, ils peuvent voir Allah et eux, ils ne peuvent pas. Et ça sera le pire des châtiments pour eux. Après, ils seront jetés en enfer. Ça, c'est un deuxième châtiment. Et on va leur dire, voilà, donc ça, c'est écrit dans le verset ici, quand ils seront jetés en enfer, on leur dira voilà ce que vous démentiez, c'est-à-dire voilà ce que vous ne vouliez pas croire auparavant. Donc ça aussi c'est un châtiment. Le fait que quand ils rentrent en enfer, Allah il va leur dire ça, ou les anges ils vont leur dire ça, Allahu a'lam, ça aussi c'est un châtiment. Parce que c'est un blâme, c'est un reproche. C'est un châtiment certes pas corporel, ça ne touche pas leur corps, mais ça touche leurs esprits. Non seulement ils rentrent dans le feu, ils vont souffrir, et en plus Allah il les blâme. Ce sera un châtiment psychologique, c'est-à-dire sur leurs esprits. وعذاب الحجاب من رب العالمين المتضمن لسخطه وغضبه عليهم وهو أعظم يعني عذاب الحجاب بينهم وبين الله أعظم عليه من عذاب النار ودل مفهوم الآية على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة يعني الآية تقول الكفار محجوبون إذن ماذا نفهم أن المؤمنين غير محجوبين إذن يرون الله سبحانه وتعالى حقا بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس ليس دونها سحاب يعني كأنك الآن ترى الشمس إذا لم يكن في السماء سحاب سوف ترى الله سبحانه وتعالى إذا كنت من المؤمنين هذا يوم القيامة وفي الجنة ويتلذذون يعني يفرحون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات يعني النظر إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي الجنة هذا لأصحاب الجنة أحسن من شراب الجنة وأكل الجنة ونساء الجنة وغير ذلك أحسن اللذات أحسن يعني النعيم يوم القيامة وفي الجنة هو النظر إلى ما اسمه الجميل سبحانه وتعالى ويبتهجون بخطابه ويفرحون بقربه كما ذكر الله ذلك في عدة آيات من القرآن وتواتر فيه النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ensuite il a dit que le châtiment du voile entre eux et Allah, ça c'est le pire châtiment, c'est-à-dire pour eux c'est pire que le feu. Ça sera une plus grande souffrance pour eux, le fait de ne pas voir Allah, que de brûler dans l'enfer. Et il dit qu'est-ce qu'on peut comprendre du verset, et ça il n'a pas cité ici parce que c'est un tafsir résumé, mais notamment l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala il l'a dit, Ibn Kathir il l'a cité dans son tafsir. L'imam Shafi'i rahimahullah il dit on peut comprendre de ce verset que les croyants ils verront Allah, parce que si Allah il dit les koufars ils ne le verront pas, ça veut dire que les croyants ils le verront, sinon ça ne serait pas un châtiment, ça serait vrai pour tout le monde. Donc ça veut dire que les croyants ils verront Allah au jour du jugement et au paradis. Et ça donc comme le cheikh il le dit ici, ça, il y a beaucoup de versets qui le disent et aussi beaucoup de hadiths, énormément de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montrent que, notamment dans Sahih al-Bukhari, où il a dit vous allez voir Allah comme vous voyez le soleil quand il n'y a pas de nuages. C'est-à-dire, ce n'est pas une métaphore. Certains disent ça veut dire on va voir Allah avec notre cœur, etc. Non, ça veut dire vous allez le voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yantiqu anil hawa, quand il parle, il est clair. Il a dit vous allez voir Allah comme vous voyez le soleil quand il n'y a pas de nuages. C'est-à-dire, vous allez vraiment le voir avec vos yeux. Allah va donner aux êtres humains la permission et la force de supporter sa vision au jour du jugement. Et le cheikh ici, il dit, les gens, ils jouiront de la vision d'Allah. Ils seront contents. Ça sera un grand délice pour eux. Et ça sera un délice plus grand que tous les délices du paradis. Ça veut dire, les gens du paradis, leur plus grande récompense, la chose qu'ils préfèrent, c'est quand ils voient Allah subhanahu wa ta'ala. Ça pour eux c'est mieux que les femmes du paradis, c'est mieux que la nourriture, c'est mieux que la boisson du paradis, c'est mieux que les jardins, etc. Ce qu'ils préfèrent c'est voir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils seront heureux d'être proches d'Allah et qu'Allah il leur parle et ils le voient, etc. وفي هذه الآيات التحذير من الذنوب فإنها ترين على القلب وتغطيه شيئا فشيئا حتى ينطمس نوره وتموت بصيرته فتنقلب عليه الحقائق فيرى الباطل حقا والحق باطلا وهذا من بعد عقوبات الذنوب يعني هذا من خطر الذنوب يعني كما يعني أنا أتيت بحديث هنا ذكره ابن كثير في التفسير رحمه الله تعالى هذا الحديث في سنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وحسنه يعني حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد يعني الرجل إذا أخطأ خطيئة يعني إذا فعل ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، يعني هذا الذنب يجعل في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر يعني إذا أقلع وتاب من هذه المعصية وتاب سقل قلبه، يعني قلبه يرجع كما كان يعني سليما صافيا، وإن عاد يعني إن عاد إلى هذه المعصية زيد فيها، يعني هذه النكتة تزيد تكبر في قلبه حتى تعلو قلبه، يعني حتى تغلب على قلبه، وهو الران، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني هذا يدلك على خطر المعصية، الإنسان يعصي ويعصي ويعصي ولا يتوب ولا ينيب ولا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون قلبه أسود مغطى مظلم، فلا يرى الحق، لا يفهم، لا يبصر. إذا قلت له قال الله ما يفهم، لا يرجع. تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا لا يقنعه، وهكذا يستمر في ضلاله وعصيانه والعياذ بالله. Le cheikh dit que ces versets-là, ils mettent en garde contre les péchés. Parce que les péchés, ils rouillent le cœur. C'est-à-dire, ils couvrent le cœur petit à petit. À tel point que la lumière du cœur, elle meurt. Et la clairvoyance du cœur, elle meurt. La clairvoyance et la compréhension du cœur, elle meurt. Et les réalités s'inversent pour la personne. Elle voit le faux comme du vrai, et elle voit du vrai comme du faux. Et elle s'égare. Donc ça fait partie des châtiments et des conséquences des péchés. Il y a un hadith que je cite, il l'a pas cité dans le tafsir, mais il est cité dans le tafsir Ibn Kathir. C'est un hadith qui est dans les sunan de Tirmidhi, Ibn Majah et Nasa'i, et que Sheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit c'est un hadith hassan, c'est-à-dire authentique. Le prophète, il dit dans ce hadith, sallallahu alayhi wa sallam, quand la personne fait un péché, on met dans son cœur un point noir. S'il arrête et il demande pardon à Allah, et il se repent, c'est-à-dire il revient de ce péché, suqila qalbuhu, c'est-à-dire son cœur, il est purifié. Son cœur, il redevient comme au début, propre. Et s'il continue, on rajoute dans ce point noir. C'est-à-dire ce point noir, il va augmenter. Jusqu'à ce que, comme il dit dans le hadith ici, jusqu'à ce qu'il prenne en prise de son cœur. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il domine son cœur. Et à la fin, le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça l'impureté ou la rouille qu'Allah a cité dans le verset 2. Et il a cité le verset dans la sourate qu'on est en train de lire. Quand il a dit Kalla bal, c'est-à-dire plutôt Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. C'est-à-dire ce qu'ils faisaient a rouillé leur cœur. C'est pour ça qu'ils démentaient le jour du jugement. Jusqu'à 50, c'est bon ? On fait la zen du Qur'an. ثم قال تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. ما فسرنا ما معنى مرقوم؟ يعني مرقوم ليس فيه زيادة ولا نقصان. يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقرب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر أن كتاب الفجار في أسفل الأمكنة وأضيقها ذكر أن كتاب الأبرار في أعلاها وأوسعها وأفسحها وأن كتابهم المرقوم يشهده المقربون من الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء والصديقين والشهداء وينوه الله بذكرهم في الملأ الأعلى وعليون اسم لأعلى الجنة فلما ذكر كتابهم ذكر أنهم في نعيم وهو اسم جامع لنعيم القلب والروح والبدن على الأرائك أي على السرور المزينة بالفرش الحسان ينظرون. يعني نقف هنا يعني كتاب الأبرار لفي عليين يعني عليون مقابل لسجين يعني السجين كما قلنا هو أسفل الأمكنة تحت الأرض السابعة وعليون هو العكس هو أعلى الجنة يعني أعلى الأمكنة وكلما كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى كلما كان المكان أعلى فهو أوسع يعني السماء السابعة أوسع من السادسة والسادسة أوسع من الخامسة وهكذا وكذلك الأرض يعني الأرض الأولى التي هي فوق التي نحن نمشي عليها أوسع من التي تحتها وهكذا إلى الأرض السابعة تحت هذه الأرض وإلى سجين إذن كتاب الأبرار كما أن كتاب الفجار في سجين فكتاب الأبرار يعني هذا الكتاب الذي فيه أعماله مسجلة في عليين يعني في أعلى الأمكنة يشهده المقربون من الملائكة وغيرهم يعني من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين فالله عز وجل يثني على هؤلاء ويذكرهم بخير أمام الملأ أمام المقربين من خلقه ثم قال إن الأبرار لفي نعيم ويقول النعيم يشمل نعيم القلب ونعيم البدن يعني النعيم الروحي والنعيم البدني كما قلنا يعني النعيم البدني معروف النساء في الجنة والأكل وفواكه الجنة وشراب الجنة وغير ذلك والنعيم الروحي ذكر الله في الجنة والسلام وكذلك رؤية الله سبحانه وتعالى Donc le Cheikh il explique dans les versets qui suivent, il dit les versets disent en vérité le livre des pieux est dans Iliyin. C'est-à-dire au début il a dit le livre des obéissants, c'est-à-dire des kuffars, il est dans Sidjin. On a dit c'est l'endroit le plus bas. Et le livre des pieux, c'est-à-dire dans lequel leurs œuvres sont enregistrées, il est dans Iliyin. Ça vient de l'Ulu, c'est-à-dire l'endroit le plus haut, et qui est le plus haut du paradis. Et qui est un endroit vaste, comme si Jin c'était un endroit serré. Comme il a dit Ibn Kathir Rahimahullah, que plus l'endroit il est haut, plus il est vaste. Pour ça, l'endroit le plus vaste c'est le 7e ciel. Ensuite le 6e, ensuite le 5e, jusqu'à la terre. Et la terre, la première, elle est plus grande que celle qui est en dessous, jusqu'à la 7e et jusqu'à Sidjin, qui est l'endroit le plus serré et qui est l'endroit de l'enfer. Et il a dit donc à propos de ce livre, les muqarrabun, c'est-à-dire les rapprochés, le voient. Yashhadun muqarrabun. C'est-à-dire, le Cheikh dit, ça peut être les anges et c'est aussi les âmes des prophètes ou des gens pieux, des véridiques, etc. Ils voient ce livre. C'est-à-dire que c'est comme un bienfait d'Allah sur ses pieux qu'il les a nommés, il les a vantés, il les a mentionnés dans le plus haut des endroits, devant les meilleurs des personnes. Et ensuite il a dit Inna al-abrara lafi na'im. Al-abrara, c'est le pluriel de bar. C'est la personne qui est obéissante, qui est bonne, etc. C'est comme al-taqi ou al-mu'min. C'est un peu des synonymes. Il a dit ils sont dans na'im, c'est-à-dire dans le délice ou dans la jouissance. Et il dit ça englobe le délice du corps et aussi le délice de l'esprit. Comme on l'a dit qu'au paradis, il y a le délice du corps, ça c'est ce qui est connu, comme les femmes, la nourriture, la boisson, les jardins, l'ombrage, etc. Et d'autres choses qu'on ne connaît pas. Et il y a aussi le délice spirituel, comme on l'a dit, la vision d'Allah, mais aussi le rappel d'Allah, quand il se salue en disant salam, etc. etc. على الأرائك ينظرون أي على السرور المزينة بالفرش الحسان ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم وينظرون إلى وجه ربهم الكريم. Ensuite, il a dit, ils sont sur des divans. الأرائك, comme des banquettes ou des divans. Ils regardent, c'est-à-dire qu'ils sont sur des lits qui sont avec des beaux tapis, des belles couvertures, etc. Ils regardent. Ils regardent quoi? Ils regardent tout ce qu'Allah leur a préparé comme récompense. Ils regardent leur demeure au paradis. Et aussi, ils regardent la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est cité dans le Coran. On arrête? Ouais, c'est bon. Nous rassons le marra ukhra, inshallah. Jeudi prochain, on continue le tafsir de l'Mutaffifin. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.